Freddy l'arrivé, Tati l'a débarqué, Abias l'a monté, Soukou c'est d'être un mémoire. Yes! Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Ma bouille dit maman. Je sais pas.